D.I.B. Mon star c'est crazy. Anytime je see, anytime je rebond produit. Hip hop, roughneck, gaga. Pas capable de dire autre chose que bouche à calaca. Des tweets textuels, des lyrics bossés. Des tweets textuels, des lyrics actuels. T'as beau avoir un bout de clip vidéo, mais face à mes tracks, y'a rien de toi qui te faut. Tu kick dans le door, à place kick dans le window. Si tu veux kill de quoi, ben kick dans le window. On représente comme Wild MCs, on représente, on est Too Kingy. Hip hop style, on est fou crazy. L-D-I-B and D-I-C. Le hip hop, c'est pas juste le sujet. Tu parles juste du hip hop, c'est que t'as pas de sujet. Dans le temps que tu rappais, Mike Samilia, tu parles rien que de ça, hey, tu changeras pas. Sérieusement, je m'en fous de ton crew. C'est quoi que tu veux que je fasse, que je te passe un petit coup? On est Too MC, on est fou crazy. Représentant L-O-N-G, S-D. Hey, Choubi, SS, for my life, pour la vie. Fool crazy, c'est notre style. D-I-B and D-I-C. Fool crazy, on est wild. S-T-H-B-L-O-N-G. Fool crazy, c'est notre style. D-I-B and D-I-C. Fool crazy, on est wild. Soundshore, for my life, pour la vie. Dans vie, je suis performant, fool crazy, je te rentre dedans, puis je fais couler ton sang. Pas de sentiment, je blesse parce que tellement de gens qui me fressent. Trop d'MC qui veulent me test sans pensant qu'ils fessent. Mais moi je m'en branle les fesses, c'est pour ça que je me manifeste. Boum, dans ton chest. On fuck la clique, pis nous on est le reste. Donc reste assis, je représente S-T-H-U-B-E-I-C. AKA Little D, for crazy, for my life, pour la vie. Je drop mon produit, bien normal, c'est ma survie. C'est un coup dur pour ta vie, c'est un coup sûr, t'es fini. T-I-C, D-I-B, fou crazy, c'est notre style. SS, on s'installe, D-D-I, on s'installe avec un style. Brut et sale, pas de relance de balle. On kill, hein, avec une dernière balle. On kill, avec la dernière balle. Fool crazy, c'est notre style. D-I-B and D-I-C. Fool crazy, on est wild. S-T-H-B-L-O-N-G. Fool crazy, c'est notre style. D-I-B and D-I-C. Fool crazy, on est wild. Soundshore, for my life, pour la vie. D-I-B, j'me démène. D-I-C, j'te fouette comme la crème. Tout le monde sait que j'ai de la rage, man. J'te défonce comme E-Man, j'te défonce, man. J'te défonce, man. Drette là, j'te fous la chienne. T.I.B. Drette là, j'te fous la chienne. Le hip-hop, mon emblème, pour moi, ça c'est pas un problème. T.I.B. Hip-hop dans mes gènes. Par chez nous, y'a pas de gêne. Depuis le temps que je m'entraîne. Depuis le temps que j'suis dans l'arène. On est ici, on se démène. T.I.C. and T.I.B. Fou crazy. Notre style est ici. Notre style est ici. C'est notre style qui est ici. J'représente mon mode de vie. T.I.C. Mon mode de vie, c'est pas frustré de la vie. On est fou crazy. On est fou crazy. Hip hop style. On est fou crazy. 2003, on reste tête en esti. On claque d'en face, la porte de sortie. Fou crazy, c'est notre style. D-I-B and D-I-C. Fou crazy, on est